بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. On va commencer toujours comme d'habitude par le livre de l'imam al-Nawawi, Kitab al-Adhkar. Et donc on avait, si je ne me trompe pas, fini le sujet. Regardez les dernières notes. Alors, oui, donc on avait vu en fait qu'est-ce qu'il fallait dire après les invocations, après les ablutions. Babu ma yaqulu ala wudu'ihi. Donc ça on l'avait vu, il me semble. Ouais, la page, c'est la page 25, normalement. Alors, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد. Donc on avait vu donc le chapitre où les invocations à faire juste après les ablutions et l'invocation à faire juste après les ablutions. Donc c'est après chaque fois qu'on va faire les ablutions. Donc on lève le doigt. Bon, même si c'est pas rapporté vu que c'est pratique courante de lever le doigt pour faire la shahada. Donc on le lève, mais on n'est pas obligé. Donc, si on le fait, tant mieux. Si on ne le fait pas, ben, c'est pas grave. Parce que c'est pas mentionné dans le hadith, encore une fois. La base et la règle dans la pratique ou dans le suivi, c'est que si c'est mentionné, ben, ça veut dire qu'il faut le faire. Si c'est pas mentionné, c'est qu'on n'a pas à le faire. Et après, ça va dépendre de l'ordre. Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il n'est pas obligatoire? Et ainsi de suite. Et à ce moment-là, on saura le statut de la chose en question, c'est-à-dire l'invocation ou de l'acte à faire. Comme là, le fait de lever le doigt, c'est pas mentionné, mais c'est recommandé. Donc, après chaque ablution, on refait quelque part à chaque fois, on reconfirme ce témoignage en disant « Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahirin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Donc ça c'est la vocation à faire juste après les ablutions. Donc il était rapporté normalement dans ce hadith qu'on avait vu qui n'avait pas vraiment de source mais qui avait des savants comme les savants Ahmed Mahmoud Shakir, c'est un égyptien rahimahullah, il est mort, qui avait dit que c'était une invocation. Comment s'appelle, donc lui c'est un savant du hadith et c'était une invocation qui il avait dit aslul hadith sahih mustaqim musnad, c'est une invocation, c'est un hadith authentique mustaqim isnad, ça veut dire qu'il est fondé par rapport à sa chaîne de transmission. Donc faslu wa amma al du'a ala أعضاء الوضوء فلم يجي فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الفقهاء يستحب فيه الدعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها فالمحتمل مما قالوه أنه يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ويقول عند المضمضة اللهم اسقني من حوض نبيك كأسا لا ظمأ بعده أبدا ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك ويقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ويقول عند غسل اليدين اللهم أعطيني كتابي بيميني اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ويقول عند مسح الرأس اللهم حرم شعري والشعري وبشري على النار وبشري على النار وأضللني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ويقول عند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويقول عند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على صراطك على صراطك على صراط الله أعلم. Donc cette parole, je vais essayer de voir un peu sa source, parce qu'en fait il n'y a pas réellement de source. En fait, c'est pas par rapport aux invocations, par rapport aux ablutions. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amma du'a'u 'ala a'dha'i al-wudu' fa lam yaji fihi shay'un 'an an-nabi. C'est-à-dire que par contre, dans l'invocation dans le fait de faire les ablutions dans chaque à travers chaque partie du corps, il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il se lavait les mains, par exemple. C'est ce qu'il dit en fait. Il n'a pas été rapporté wa amma ad-du'a'u 'ala a'dha'i. Et en ce qui concerne les invocations concernant les membres sur lesquels on fait les ablutions, falam yaj'i fihi shay'un 'an an-nabi. Il n'a rien été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait qu'il faisait des du'as chaque quand il avait les mains, quand après il avait comment ça s'appelle, après les mains, c'est la bouche, après le nez, après le visage, après la main, des doigts jusqu'au coude, et un peu plus haut que le coude. C'est-à-dire, à chaque partie, il n'est pas rapporté qu'il faisait des invocations. Mais, waqad qala al-fuqaha, mais les fuqaha, c'est les savants du fiqh. D'accord? Quand on dit al-usuli, c'est les savants dans la jurisprudence. Même si c'est des sciences qui se rejoignent, hein. C'est-à-dire, le faqih est obligé d'être usuli. Parce que c'est à travers l'usul qui tire des règles, et c'est ce qu'on appelle les fuqaha, al-faqih. Fuqaha, c'est le pluriel de faqih. Et al-faqih, ou al-fuqaha, et il t'a rapporté, yustahabbu fihi ad-da'awat ja'at anis-salaf. Il est recommandé ou conseillé de faire ces invocations à chaque moment, qui a été rapporté des salafs. Les salafs, c'est ceux qui ont suivi. D'accord? Donc, c'est pas parce que, ont déterminé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas, qu'eux n'ont pas ajouté. Ça veut dire que tu peux le faire tant que ce n'est pas une chose, on va dire, qui a été apportée dans la religion, comme on va dire une bid'a. Après, bon, même s'il y a deux sortes de bid'a, la bid'a hasana, la bonne bid'a, et la bid'a mufsada, qui est corrompu ou qui corrompt. Donc les salafs, en fait, ils faisaient des invocations, et apparemment, donc vu qu'il n'y a pas de source, ce qui a été rapporté, ce sont eux qui l'ont transmis. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, nous, ce qu'on nous est demandé en tant que musulmans, c'est de faire déjà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et d'éviter ce qu'il n'a pas fait. Et en gros, encore une fois, c'est ça la sunna. Maintenant, pour celui qui a certaines pratiques et surtout rigoureux et régulier, il peut ajouter des choses, mais ne pas le recommander ou le transmettre aux gens en précisant qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parce que c'est rapporté comme ça, et ainsi de suite. Nous, le but, c'est qu'on essaie de comprendre un peu la différence entre ce qui est rapporté des gens et ce qui est rapporté d'Allah et de son prophète, et c'est sur ça qu'on doit être, pointilleux et regardant, pas sur le reste. Après, avec le reste, comme je dis, celui qui a une certaine pratique, on peut le faire. Mais c'est pas la base. Voilà. Donc, wazadu wa naqasu fiha, ils ont ajouté et ils ont diminué. Fal muhtamil mimma qaluhu annahu yaqulu ba'da at-tasmiya alhamdulillah, par rapport à ce qui a été rapporté par eux. Tahmiluhu, ça veut dire qui a été transmis, qui a été porté par eux. Qui est dit de at-tasmiya, c'est le fait de nommer. Quand on dit at-tasmiya, on voit bien que dedans il y a l'ism. L'ism, c'est le nom. Et là, dans ce cadre-là, c'est de nommer la chose. Et de nommer quoi avant les ablutions? On dit Alhamdulillah, il a dit Ja'al al-ma'u tahuran. louange à Allah qui a fait de l'eau une purification. D'accord ? Wa yaqulu 'inda al-madmada. Al-madmada, c'est le fait de quand on met l'eau dans la bouche et qu'on fait hein, comme une sorte de bain-bouche tonique. Enfin, voilà. Donc, il disait à ce moment-là, Allahumma asqini min hawdi nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam ka'san la adma'u ba'dahu abadan. Donc, la doua qui faisait, au moment où il mettait donc, l'eau dans la bouche, il faisait le madmada, qui disait, oh Allah, abreuve-nous du fleuve, comment ça s'appelle, ou de la source, al-hawd. Hawd, c'est la source où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les croyants passeront pour qu'il les abreuve. Et après cette boisson, inshallah, les musulmans n'auront plus soif. C'est-à-dire que si il y a un souhait, un désir de boire ou ainsi de suite, ça sera par désir, par plaisir, par envie et ainsi de suite. Et donc la doua c'est qu'Allah, oh Allah, abreuve-nous de la boisson, enfin de cette eau, parce qu'on ne sait pas en fait si c'est de l'eau ou quoi. Bon, bref, hawdin nabiyik, le fleuve ou le hawd du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ka'san, d'un verre. Qu'après, nous n'aurons plus soif. D'accord ? وَيَقُولُ عِنْدَ الْاِسْتِشْقَاقِ L'istinshaq, c'est quand on met de l'eau dans le nez. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي رَائِحَةَ النَّعِيمَكِ وَجَنَّاتِكِ Donc, oh Allah, ne nous prive pas de l'odeur de tes bienfaits, نَعِيمَكِ وَجَنَّاتِكِ, de ton paradis. Ensuite, يقول عند الغسل الوجه, quand il lave le visage, اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Oh Allah, éclaire mon visage comme le jour où tu vas éclairer les visages et le jour où tu vas assombrir les visages. ويقول عند غسل اليدين. Donc voilà, en tous les cas, je vais pas commencer à me passionner. C'est juste pour vous dire que de toute façon, ça c'est des hadiths, donc pas, c'est des paroles plutôt. Même si on peut appeler ça un hadith, parce qu'en soi, le hadith, c'est un récit. D'accord ? Et c'est vrai que quand on dit hadith, on a généralement l'esprit des actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Le mot hadith, c'est un terme en arabe qui veut dire un récit. D'accord ? Donc, le hadith, là, en tous les cas, pour cette parole-là, elle n'a pas de source. Par contre, si on veut la faire, on peut la faire. Ok ? Et ça ne va pas, on va dire, annuler vos ablutions ou valider vos ablutions, que vous le fassiez ou pas. D'accord ? Et donc ça, c'est des invocations. Bon, si la personne veut le faire, elle peut le faire. Hein, mais ça ne diminue pas en l'action ni l'augmente. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, « وَقَدْ رَوَى النَّسَائِ وَصَاحِبُهُ » Ibn Sunni fi kitabihima Amal al-yawm wal layla bi isnad sahih an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu arda qala. Donc il a été rapporté de An-Nasa'i. An-Nasa'i, c'est un des rapporteurs des six livres. On appelle les six livres, il n'a pas rapporté six livres, mais il a écrit un livre qui est dans la science du hadith qui on les appelle les Sunan. Donc je l'ai déjà dit, je l'ai répété, je le redis encore un certain temps. Je vais le redire encore un certain temps, jusqu'à ce qu'ensuite, normalement, c'est des choses qui vont commencer à être ancrées dans votre esprit. À ce moment-là, on continuera donc. Et son compagnon, وَصَاحِبُهُ Ibn Sunni. Ibn Sunni, c'est aussi un rapporteur de hadith. C'est-à-dire qu'il a authentifié, et c'est un savant du hadith, il a compilé un livre. فِي كِتَابِهِمَا Dans leur livre, sur le chapitre ou dans le chapitre de الْيَوْمْ وَالْلَيْلَ Le jour et la nuit. C'est-à-dire les invocations qui sont rattachées au jour et à la nuit. Bi-isnadin sahih, avec une chaîne de transmission authentique. An Abi Musa al-Ash'ari, donc qui a été rapporté par ce compagnon. Radiallahu anhu, qala, donc il a dit, atayta al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, bi-udu'a, fatawadda'a, fasama'atuhu yadu'u wa yaqul. Donc j'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait ses ablutions. Et quand il faisait ses ablutions, donc je l'entendais invoquer et qui disait Allahumma ighfirli dhanbi ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا. Donc le prophète, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait ses ablutions, il disait Allahumma ghfir li dhanbi. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Wa wassi' li fi dari. Wassi' li fi dari, ça veut dire dans mes biens, fructifiés ou wassi'hum. Je ne sais pas comment, je pense que vous avez compris. Wassi'. Ça vient de d'élargir, si vous voulez. Dari, li fi dari. D'accord. Wabarik li fi rizqi. Et bénis-moi dans ma subsistance. Bénis ma subsistance, plutôt. Fakultu. Et j'ai dit, donc, Abu Musa al-Ash'ari, Ya Nabi Allah, ou prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Sami'atuka tad'u kada bi kada. J'étais entendu faire des invocations comme ça et comme ça. Wahal tarakana min shay'in. ترجم ابن السني لهذا الحديث باب ما يقول بين الظهران ووضوئه وأما السني فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه وكلامهما محتمل. Donc je vais juste regarder donc ce hadith, l'authenticité. حديث حسن أخرجه سني في عمل اليوم ابن سني في عمل اليوم خرج الترمذي عن أبي هريرة وغيره عن أبي موسى الأشعري وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. Donc comment s'appelle cette invocation, elle est rapportée donc par ces deux savants et elle est par ces deux savants et il est pas authentique, il est hassan, il est bon. Donc c'est un hadith bon qui a été rapporté par ces deux savants. Et donc, en fait, ça, c'est une invocation qu'on doit faire après les ablutions. D'accord ? Allah, pardonne-moi. Ou oh Allah, pardonne-moi mes péchés. Élargis-moi ma subsistance. Et bénis mon risque. Voilà. Babu ma yaqulu ala irtisalihi. Donc, l'invocation à dire au moment de l'roussel. L'roussel, c'est les grandes ablutions. D'accord. Les grandes ablutions. Donc les grandes ablutions, yustahab lil mughtasil ay yaqula jami' ma dhakarnahu fil wudu'i fi min at-tasmiyati wa ghayriha. Il est recommandé pour celui qui veut faire ses grandes ablutions de dire tout ce qu'on vient de citer jusqu'à maintenant par rapport aux ablutions, donc avec le fait de mentionner. C'est-à-dire avant de commencer les ablutions, on va dire bismillah. Et après, on peut continuer à faire les invocations qu'on a citées. Mais bon, encore une fois, le minimum, c'est de dire bismillah, d'accord ? Et de faire les ablutions comme citées dans les chapitres précédents. Voilà farqa. Et il n'y a pas de différence. Fi dhalik bayna al-junubi wal-ha'iri wa ghayrihima. Il n'y a pas de différence entre celui qui est, pour les femmes, en état de... de menstrues et qu'elles sortent de cette période-là, ou de celui qui s'est réveillé en état de janaba, ou à la suite d'une relation avec sa femme, ou la femme avec son mari, c'est pareil, en fait, c'est la même démarche à suivre. Bon, n'hésitez pas, si vous voyez que c'est pas clair, explicite, ou que je m'embrouille un peu, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Donc voilà. Et on va continuer encore un peu. Oui, de toute façon, on n'a pas fini celui-là. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. Et la majorité de nos compagnons ont dit. Bon, quand il dit nos compagnons, et là, le cheikh, c'est l'imam al-Nawawi qui parle, en son nom, il dit que وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا. Et nos semblables, ou nos collègues, ou nos camarades, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, en fait, ceux qui sont de la science du hadith, les savants du hadith, ont dit in kana junuban aw ha'idan lam ya'ti bit tasmiya. Si il est en état de grande impureté, c'est-à-dire après une relation, après la grande perte des ablutions, ou que la femme est en état d'impureté, lam ya'ti bit tasmiya, il ne mentionne pas bismillah, il dit pas bismillah. والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصد بها القرآن. Donc là, c'est un peu trop technique peut-être pour vous. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut le dire. On peut dire Bismillah, parce qu'en fait, ils ont dit plutôt que la majorité disent que c'est préférable de le faire. Mais l'autre partie disent que c'est mieux de ne pas le faire, surtout si on vise à travers ça le Coran. Donc en fait, c'est des gens, ils avaient tellement ils faisaient tellement attention à la parole d'Allah en la vénérant, en lui donnant ce qu'elle mérite. Du coup, ils faisaient en sorte qu'aucune impureté vienne à toucher le Coran. Donc c'est pour ça qu'ils disaient que une partie, que le mieux, celui qui va viser le Coran, ne pas le dire. Mais à la base, on le dit. D'accord ? À la base, on le dit. Et on le verra ça dans un livre de fiqh qu'on démarrera, inshallah, après qu'on ait fait Kitab al-Salat. Les livres sur la prière, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on va bientôt commencer. C'est important, j'essaie de choisir et de sélectionner des sujets qui sont nécessaires et utiles à tous et à nous dans un premier temps. Et après, de connaître un peu certaines subtilités, les différences entre des savants, entre des écoles, ainsi de suite, ça, c'est pas l'objectif du musulman dans un premier temps. Voilà. Mais bon, mais il y a le je pense qu'on va s'arrêter là et on fera le prochain chapitre qui est la vocation à dire au moment de At-Tayammum, les ablutions sèches. D'accord. Donc là, on vient de faire Bab al-Rusl. Donc le Rusl, les grandes ablutions, on fait tout ce qui a été mentionné jusqu'à maintenant, le fait de dire Bismillah, après avoir fait les ablutions, une fois qu'on a fini toutes les grandes ablutions de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma ij'alni min at-tawwabin, ij'alni min al-mutatahhirin, subhanaka wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. J'accélère un peu parce que voilà, c'est juste pour vous faire un peu un récap. Et tout ce qui a été mentionné, bien sûr, la base des choses, c'est l'intention. D'accord ? L'intention qui est primordiale. C'est pour ça que je vous ai dit à un moment donné de prendre des petites notes par-ci par-là, ça va vous permettre de pouvoir rassembler un peu ce que vous avez pu entendre. Là, c'est utile. Bon, maintenant, il y aura les audios, mais c'est vrai que sur ce qui a déjà été fait, les audios n'étaient pas encore opérationnels. Voilà donc pour le chapitre. Pour le livre des invocations, Kitab al-Afkar, et on va passer aux trois fondements. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, on s'était arrêté. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليها ولا شر إلا حذرها منها الخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يجب الله عليها. Donc, alors, يقول الشيخ. Donc, on est en train de voir donc l'épître des trois fondements. Ça va, c'est clair pour tout le monde. C'est pas trop ambigu. Je sais que des fois il y a des sujets. Attention. Ce qu'il faut comprendre dans la science religieuse d'une manière générale, l'objectif, c'est pas de comprendre à 100% parce que c'est impossible. Par contre, le fait de comprendre déjà 5%, 10%, 20%, 50% en fonction de chacun et de, c'est, alhamdulillah, l'objectif. Et au fur et à mesure, inshallah, bi'idhnillah, Allah facilitera pour que ça soit un peu plus clair au fur et à mesure, inshallah, ta'ala. Donc, qal yaqulu shaykh. On est sur le chapitre, on arrive à la fin en fait de ce livre-là, et l'objectif de ce livre, c'était d'apprendre à connaître les trois fondements principaux qui sont qui est Allah, qui est le prophète et quelle est cette religion. Donc on avait vu pas mal de sujets jusqu'à maintenant, et là on arrive vers la fin où on a parlé de la voix des prophètes. Le dernier sujet qui a été développé, c'était concernant les prophètes, leur message. Comment ça s'appelle, et ainsi de suite. Donc, toute façon, ce livre, vu que, machallah, il a des fawaïd kathir, on va sûrement le revoir, mais par contre, un peu plus long. Ça veut dire avec un charh beaucoup plus long. C'est la page 47. Ok. Donc, parce que j'avais mis un marque-page, j'avais mis une sorte de cornu là sur le truc, et finalement, non, je ne l'ai pas enlevé et je ne l'ai pas mis. Ok. Donc là, ouais, là, c'est bon, ça me parle. On avait parlé donc dernièrement de Nuh, alayhi salam, qui était le premier prophète, et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète. Donc, comme j'ai dit, l'objectif de ce livre-là, en fait, c'était d'avoir une certaine connaissance, en fait, de qui est Allah, bien sûr, de manière générale, cette religion, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'après, le but des autres épîtres, ça va être d'aller un peu plus en profondeur. Donc, j'avais pensé à faire Kitab al-Tawhid, mais on verra en tous les cas, inshallah. Alors, à kull ummatin ba'athallahu ilayha rasoulan. Donc, on avait parlé du fait qu'Allah, à chaque communauté, il a envoyé un prophète. Et chaque prophète avait le même message, c'était d'adorer Allah et de s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ce terme qui est utilisé par Allah, c'est at-tarout. Le mot tarout, on verra, inshallah, sa définition. En tous les cas, là, c'est pas le cas. C'est tout ce qui est dépassé ou tout ce qui dépasse comment ça s'appelle, ce qu'Allah a fixé. Il y a un verset où Allah dit quoi ? وَلَمَّ طَغَى الْمَاءُ. Et lorsque l'eau a dépassé sa limite, c'est-à-dire que il y a des limites, l'eau, on va dire plus ou moins l'eau de la mer, ainsi de suite. Quand des fois il y a de, comment on appelle ça, la marée haute ou je sais pas quoi. Donc en fait c'est l'eau, elle a dépassé la limite qu'elle a à la base. Donc là c'est ça en fait. Ta route, c'est les gens, divinité, les statues, en fait, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui a dépassé les limites. Ça peut être aussi des individus. La religion de chaque prophète était une, et c'était l'islam. فَكُلُّ رَسُولٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ. Donc, chaque prophète a été envoyé par Allah à leur peuple, pour les appeler à adorer Allah seul, sans associer, et de leur interdire, ou du moins de les mettre en garde contre l'adoration du tarout. Et comme je dis, le tarout, donc, c'est un mot général, et la définition de Umar ibn Khattab, mashallah, elle est très explicite, et je pense qu'elle renferme en fait réellement toutes les formes formes de tarout, de tawarit. C'est que c'est shaytan, d'accord. Il a dit que at-tarout, c'est shaytan. Donc par différentes sortes, ça peut être à travers ces religions qu'il a manipulées depuis l'avènement des religions. Ça peut être à travers des gens qu'il a mis en avant, comme les pharaons, comme Nemrod et ainsi de suite. Ça peut être des statues qu'il a fait enjoliver dans l'esprit des gens pour qu'ils, soi-disant, dans un premier temps, se rappellent ces personnes nobles, saines, enfin sages, pieuses et ainsi de suite. Et avec le temps, les générations disparues, l'association a commencé à voir le jour. Donc voilà, ou sinon d'inciter les gens à adorer le soleil, ou d'adorer la lune, ou d'adorer sa personne, et ainsi de suite. Par contre, donc en fait, c'est Shaytan, qu'Allah le maudisse, qui insuffle et qui inspire ça aux gens. D'accord ? Attention, c'est pas Shaytan, Iblis, hein. Parce que Iblis, il ne peut pas être partout, dans toutes les personnes, dans tous les corps, et d'inviter les gens à la mécréance, et au shirk, à la désobéissance et au péché, d'accord ? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il a des qualités, on va dire, divines quelque part, c'est qu'il est partout et nulle part en même temps. Et c'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut, c'est une créature. C'est une créature comme n'importe qui. Il n'a aucun pouvoir. D'accord. Donc, c'est pas lui, mais c'est ceux qui le suivent, et ça, c'est sa stratégie. Donc, si vous voulez, en fait, il a comme. Je caricature ça comme ça. Je dis pas que c'est comme ça, mais c'est comme si, voilà, il avait des centres, des universités, des écoles, et ainsi de tout, où ceux qui vont passer dans ce cursus-là sauront comment manipuler les êtres humains, et ainsi de suite, et auront des outils pour savoir comment les dominer. Donc, comme je disais, voilà, Shaytan, la'anatallah alayh, il a donc instruit peut-être une civilisation, une communauté, ainsi de suite, de son côté, qui adore Allah, et que le but, c'est où ils adorent, où ils m'adorent, où ils adorent autre chose, mais il ne faut pas qu'ils adorent Allah. En gros, on va dire, ça va être ça leur objectif principal. Peu importe s'ils ne m'adorent pas. Bien sûr que le mieux, ça serait qu'ils l'adorent. D'accord? Maintenant, s'il n'adore pas, ok, mais il ne faut pas adorer Allah. Parce que c'est ça son objectif premier, encore une fois. Ce n'est pas moi qui le dit, qui l'invente. C'est à travers les échanges qu'il a eus avec Allah, quand Allah lui a demandé pourquoi il s'est comporté ainsi, et qu'Allah l'a maudit, il l'a banni. D'accord? Donc à ce moment-là, lui, il a fait une promesse, et sa promesse était qu'il tournait autour de Bani Adam, de Adam, alayhi salam, il lui a dit, maudit sois-tu. À cause de toi, voilà ce qui m'est arrivé. Eh ben, sache une chose, c'est que je te déclare la guerre. Et je ne vais pas te lâcher, je ne vais pas te laisser un répit. Donc, lui, son objectif, c'est nous. C'est pas de se faire adorer ou quoi que ce soit. Il sait très bien que, de toute façon, il y a un créateur et ainsi de suite. D'accord? Il y a un verset où Shaytan, il dit, comment s'appelle Allah en rapportant sa parole, Subhanallah al-Azim, la hawla wa la quwwata illa billah. Et il est un exemple comme Shaytan. Lorsqu'il dit à l'être humain, ikfur, mikroi. D'accord ? Falamma kafara. Donc, ça, c'est quand on va dire la personne est réceptive. Et ça revient justement à la parole d'Allah dans un autre verset où Allah il dit, en parlant d'Iblis, ma kana li alaykum min sultan, je n'avais aucun pouvoir sur vous, illa an da'utukum fastajibtum li. Je ne vous ai fait que enjoliver, je vous ai inspiré, je vous ai suggéré des choses et vous m'avez répondu. Donc là, dans le même verset, c'est ce qu'il vient de dire. Kamathali shaytan idh qala lil insani ikfur. Et lorsque le shaytan dit à l'être humain, mécrois, d'accord, falamma kafara. Donc il lui a juste insufflé. Et si la personne vient suivre, donc comme Allah il vient de dire, falamma kafara, et lorsqu'il a mécru, qu'est-ce qu'il dit Shaytan ? Qala inni bari'un minka. Je me désavoue de toi. C'est-à-dire au moment où la personne va mécroire, Allah nous a dit que Iblis, il dit quoi à cette personne même ? Inni bari'un minka. Je me désavoue de toi. Inni akhafu Allah, car j'ai peur d'Allah Rabbil Alamin. Vous voyez ? Donc on voit très bien que finalement, c'est une stratégie pour faire tomber l'être humain. Donc son premier objectif, c'est ça. C'est simplement ça. C'est d'amener un maximum de gens en enfer et plus précisément les êtres humains. Après les djinns aussi, certainement, il n'est pas transparent avec eux. Hein. Il leur cache à eux aussi la réalité des choses. D'accord? Donc, Wayadullu, donc bon, j'ai fait un petit crochet. Wayadullu, les dalek, qawluhu ta'ala, et par rapport à donc ce qu'on vient de dire, que le fait que chaque prophète a été envoyé à une communauté et que leur message c'était d'adorer Allah et de ne lui vouer aucun associé et de s'écarter de Tarout ou du moins de tout ce qu'il a adoré en dehors d'Allah. Le verset où Allah dit wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-tagut. Il a été révélé et nous n'avons envoyé de messager à chaque communauté que pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc, le tarout et ainsi de suite, ça, c'est des mots qui viennent du Coran. Et ça, c'est dans Surat An-Nahl, l'abeille, verset 27. Verset 36. Donc, dans ce verset-là, on voit très bien ce qui vient d'expliquer le cheikh. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الدَّعْوَاتَ الرَّسُولِ وَاحِدَةً. Et à travers ce verset, on voit bien que le message des prophètes est un. ودينهم واحد الى religion est une l'islam et c'est l'islam lakin shara'i' par contre leur législation en fonction de chaque prophète wa kayfiyat al ibadat tatanawwa' wa takhtalif et la différence entre les adorations et comment s'appelle les distinctions qu'il y a entre les différentes religions elles changent wa hunak ibadat fi shara'i' al madiyati mawjudatun fi hadhihi al sharia et il y a des législations qu'on retrouve dans les législations du Coran, qu'on retrouve dans la législation de comment ça peut être, de la Torah ou de l'Évangile, ainsi de suite, même si la majorité des choses ont été modifiées. Et subhanallah, si vous venez à avoir quelques notions un peu dans la Torah et l'Injil, vous allez voir en fait ce qui a été falsifié, c'est quoi ? C'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Vous allez remarquer que c'est le tawhid. C'est là où on a la Trinité, par exemple dans l'Évangile, que ceux qui ont rapporté les propos de Jésus, alayhi salam, ils les ont rapportés avec pas mal de choses qui n'étaient pas correctes. C'est au niveau de l'unicité qui a été modifié. Par contre, on retrouve le fait que le voile, par exemple, c'est mentionné dans leur livre. Le crédit usuraire, c'est mentionné aussi. La fornication, c'est mentionné aussi. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, on retrouve certaines choses dedans. On retrouve le jeûne, on retrouve la prière, et ainsi de suite. Maintenant, différent. وإرسال الرسل ورحمة رحمة من الله للبشر. إذا l'envoi des prophètes aux gens, c'est une miséricorde d'Allah. ولولا ذلك, et s'il n'était pas ainsi, لتخبطوا في الظلمات ولما اهتدوا إلى الطريق القويم. Et si ce n'était pas ainsi, ils se seraient perdus dans les ténèbres et dans l'obscurité. Il n'aurait pu être guidé sur ce chemin droit. ولكن رسول الله جاءت تتبر واحدة بعدها واحدا أرسل الله نوحا ثم هودا ثم صالحا وكان آخرهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. Mais Allah a envoyé chaque prophète après prophète, en commençant par Noé, Nuh alayhi salam, ensuite Hud, ensuite Salih, wa kana akhiruhum, et le dernier des prophètes était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Arsalallahu ila nas ajma'in, il l'a envoyé à l'ensemble des gens, on ne parle pas que des êtres humains, d'accord. Al-alamin, c'est les deux mondes, parce que al-alam, c'est un monde. Al-alamin, c'est deux mondes. Louange à Allah, Seigneur des univers. C'est pas Seigneur de l'univers. Enfin, surtout quand on prend en compte que ça parle des univers, l'univers des djinns et l'univers des êtres humains. Comme Allah Ta'ala, comme Allah a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, et nous t'avons envoyé à l'ensemble des gens. Sourate Saba. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Oh vous les gens, je suis un prophète pour vous en général, c'est-à-dire pour vous tous. Et là, c'est là où on voit franchement ceux que ces soi-disant orientalistes, ces soi-disant savants ou ces soi-disant enseignants ou spécialistes de l'islam et je sais pas quoi. On se demande, ils disent où? Ce qu'ils disent, soi-disant, le prophète Mohammed, c'est le prophète des Arabes. C'est le prophète de l'islam. Là, on voit bien qu'Allah, en disant au prophète de dire aux gens, et pas aux musulmans. Donc Allah, il dit pas, Qul ya ayyuhal muslimoun, qul ya ayyuhal ladina amanu. Parce que là, quand Allah, il s'adresse, je ne veux même pas dire, choisis bien ses mots. C'est que quand il s'adresse à quelque chose, c'est bien spécifique, c'est défini, c'est précis. Donc si Allah il parle là des fois « nas », des fois « al-iman », « ahl al-iman », des fois « ahl al-islam », c'est que ça s'adresse à chaque catégorie de gens. Donc là, Allah il dit « ya ayyuhan nas » ou « vous les gens ». Donc Allah il dit en fait au prophète de dire « qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a » ou « vous les gens, je suis ». Donc le prophète doit le dire aux gens « ou vous les gens, je suis un prophète pour vous tous ». Donc, je ne sais pas comment ils vont expliquer ou comment ils arrivent à nous expliquer ça, ces gens-là. En fait, si, généralement, vu qu'ils les musulmans en fait sont très loin de leur religion et ils ouvrent le Coran une fois dans l'année pendant Ramadan et encore 10 pages à peu près, forcément, ils passent à côté de toutes les autres informations. Et malheur à nous, parce que maintenant, ces occidentaux ou ces orientalistes et ainsi de suite, attention, je ne parle même pas de ceux qui sont non musulmans, enfin les mécréants, je parle des musulmans, enfin de ceux qui s'affilient à l'islam ou des arabes qui eux-mêmes en fait détruisent l'islam. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand le Jibril alayhi salam lui avait annoncé des choses, et entre autres il a parlé de la destruction de cette religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, est-ce que ça va être par des ennemis extérieurs? Il a dit non. Jibril alayhi salam l'a dit non, ça va être par des gens de l'intérieur. Parce que les gens de l'extérieur, les ennemis, ne pourront pas atteindre l'islam. Par contre, malheureusement, on va avoir des traîtres et des lâches et des vendus et des munafiqines et autres, des apostats, bien sûr, qui cachent leur jeu, qui vont faire ce travail-là. C'est ce qu'on a vu depuis le début, hein, depuis tout le temps. L'islam, si on regarde dans son histoire, n'a jamais été détruit de l'extérieur par un ennemi extérieur. Il a d'abord été détruit de l'intérieur, et à ce moment-là, une fois que l'intérieur était faible, là, ils ont pu pénétrer. Donc là, c'est la même chose. C'est exactement ce qui se passe. On a des gens aujourd'hui qui parlent au nom de l'islam, ils n'ont rien à voir de l'islam. Ni de près, ni de loin. Donc, comme par exemple, là, dernièrement, avec la polémique du hijab, il n'y a pas de hijab, c'est Wallahi, on est vraiment dans une période, hein, c'est catastrophique. Le gars de Beurre FM, là, je sais pas, je peux même pas l'appeler musulman. Parce que, on a bien vu, et ça, je pense qu'on va faire le prochain chapitre, Nawar Qidat Islam, les actes annulatifs de l'islam. De démentir la parole d'Allah, c'est de la mécréance. De me démentir la parole d'Allah, c'est de la mécréance. Attention, je dis cet acte-là, c'est de la mécréance. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mécréant. Et après, cette mécréance-là, avant de l'appliquer à un individu, il faut prendre un certain nombre de paramètres. Est-ce qu'il connaît le sujet dans lequel il parle? Est-ce que c'est une personne de science? Est-ce que c'est une personne de quelle tendance, et ainsi de suite? Est-ce que c'est une ambiguïté? Est-ce que c'est dû à son incompréhension, et ainsi de suite? D'accord? Mais sinon, l'acte en lui-même, c'est un acte de mécréance. D'accord? Comme Allah dit, فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre partie? وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَهُ خِزْيُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Celui qui agit ainsi, il aura il sera humilié dans cette vie et dans l'au-delà, et dans l'au-delà, c'est le châtiment éternel. Donc, le fait de démentir la parole d'Allah ou la parole du prophète, c'est très très grave. Ça veut dire qu'Allah, en fait, il ne sait pas ce qu'il dit, et c'était approximatif sur le Coran, et que peut-être qu'il ne s'appliquait pas à notre époque, et ainsi de suite. C'est très très grave. Et donc, de dire que le hijab n'existe pas, l'autre de Beurre FM, il a dit que, franchement, je pense que tout le monde l'a vu, parce qu'en fait, il y a des petites captures, des petites séquences comme ça, et chacun se les envoie. Moi, je l'ai rapidement vu. Il disait, hein, clairement que l'islam, il n'y a aucune source dans... Le gars, il était rasé, mais enfin, il avait une petite barbe rasée un peu, mais c'est grave. Il se fout de la gueule du monde, ou il s'en fout que les gens le prennent pour un con ou un ridicule ou un abruti, ou sinon, il est là pour faire un travail et manipuler les gens. À un moment donné, il faut arrêter d'être trop... en fait, on cherche des excuses à celui qui ne sait pas ou celui qui ne fait pas exprès. Et là, on va pas dire que c'est la mauvaise foi, c'est volontaire. C'est pas possible de dire que tu te prétends musulman et tu dis que le hijab, c'est culturel. Ça, il n'a aucune trace dans l'islam. C'est maintenant qu'il se réveille. Le gars, il a 50 ans ou je sais pas quel âge. C'est maintenant qu'il se réveille. Mais bon, je vais pas revenir sur ce sujet. Pareil pour le Coran. Le fait que ça soit le prophète des Arabes. Mais qui c'est qui a dit ça? Nous, on a tout le contraire dans le Coran et dans les hadiths. On voit même, ça faisait partie même des autres religions, le hijab. Donc, il se ridiculise, mais il faut voir le nombre de gens qui écoutent ces escrocs, ces usurpateurs. Et finalement, ça revient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant ces gens-là. C'est des prédicateurs qui sont aux portes de l'enfer. Qui ne nous appellent pas Allah, malheureusement, mais ils nous appellent à désobéir. Et surtout que, soi-disant, ils ont des preuves. Donc, on attend leurs preuves. On attend leurs preuves. Leur preuve, à la rigueur, ce serait de démonter les hadiths ou les versets qui parlent de ça et de leur donner notre interprétation. Sauf que cette religion, alhamdoulilah, Allah a dit qu'il la préserverait. Il la préserverait à travers les gens qu'il va élire ou qu'il va choisir pour préserver cette religion. Donc, cette religion, alhamdoulilah, elle est codifiée dans tous les domaines et dans toutes les matières, et il y a consensus. Il y a consensus des savants, il y a consensus de la communauté. Donc, à un moment donné, franchement, il faut qu'on essaye d'être clairvoyant et voir les choses telles qu'elles sont, parce que ces gens qui sont face à nous et qui nous racontent des bobards, ils ne se gênent pas. Et limite, comme je dirais, hein, ils ont, je pense, un objectif derrière. Allahu alam lequel, parce que les intentions, Dieu seul sait exactement quelles sont leurs intentions. D'accord? Mais en tous les cas, on peut en tous les cas témoigner de leur mauvaise foi et de leur. C'est pas des hommes, quoi. Dire subhanallah, on a même des gens de d'autres cultures, que ce soit bref, les Turcs ou les Noirs ou ainsi de suite, ils défendent leurs convictions, leurs positions, ainsi de suite. Non, nous, les musulmans, on se soumet. Dès qu'il y a un truc, recours. Direct, on fait un recours et un soujoud limite. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et en fait, quelque part, ça, c'est un peu à cause de nous. Parce que, on a laissé cette religion entre les mains de gens, entre les mains des gens mal intentionnés. Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est un cours un peu expéditif. J'ai pas voulu trop rentrer dans certaines actualités, bien que c'est très important et c'est nécessaire au jour d'aujourd'hui. Ça va très très vite. Donc je vais essayer de faire pour inchallah le cours de dimanche. Bihoulillah ta'ala. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khair. Désolé encore une fois pour ce contretemps. Qu'Allah vous récompense inchallah pour vos efforts, patience. Et qu'Allah nous facilite et qu'il fasse en sorte que ça soit une science utile pour nous. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu alim. Allahumma hadina wa hadi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinahu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan waj'alna minar rashidin ya rabbal alamin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.